Près du parc en fleurs, dans une alcôve, un pauvre être, oublié dans la fuite, bercé par l'immense humble rêve à l'enfance versé, inondé de soleil à travers la charmille, se réveillait. C'était une petite fille, l'autre enfant du roi. Seule et nue, elle chantait. Car l'enfant chante, même alors que tout se tait. Une ineffable voix, plus tendre qu'une lyre, une petite bouche avec un grand sourire, un ange dans un tas de joujoux, un berceau, crèche pour un Jésus ou nid pour un oiseau, deux profonds yeux bleus, pleins de clartés inconnues. Col nu, pieds nus, bras nus, ventre nu, jambes nues, une brassière blanche allant jusqu'au nombril. Un astre dans l'azur, un rayon en avril, un lys du ciel daignant sur cette terre éclore. Telle était cet enfant, plus douce que l'aurore. Et le lion venait d'apercevoir cela. Il entra dans la chambre et le plancher trembla. Par-dessus les jouets qui couvraient une table, le lion avança sa tête épouvantable, sombre, en sa majesté de monstre et d'empereur. Et, sa proie en sa gueule, augmentait son horreur. L'enfant le vit. L'enfant cria « Frère ! Mon frère ! Ah ! Mon frère !» Et, debout, rose dans la lumière qui la divinisait et qui la réchauffait, regarda ce géant des bois dont l'œil eût fait reculer les typhons et fuir les briarées. Qui sait ce qui se passe en ces têtes sacrées? Elle se dressa, droite, au bord du lit étroit, et menaça le monstre avec son petit doigt. Alors, près du berceau, de soie et de dentelle, le grand lion posa son frère devant elle, comme eût fait une mère en abaissant les bras, et lui dit « Le voici, là, ne te fâche pas !»